J'arrive à une intersection réglée par des feux au vert, il fonctionne donc normalement. Mais un agent règle la circulation. Ce sont ses gestes que je dois prendre en compte. Il a les bras écartés, je ne peux donc pas passer. Ce sont les usagers de la route transversale qui, pour l'instant, peuvent traverser la rue. Je m'arrête avant le passage pour piétons. Réponse B.